toutes les épreuves, nous avions la vie devant nous. Aujourd'hui, après quelques années, Kouchi qui fait l'ibaïs, je ne pourrai jamais oublier. Je connais sans les films, c'est un brin de mélancolie. Le temps est passé si vite, bordé par les souvenirs. Et ainsi va la vie. مشاهات نجم تخبر واقل عيال وقت يجري يا وين صحابي والقعدات نقسم الامر ويلي ويلي ويلي كلنا nous rattrape, les années nous glissent entre les doigts. Yo, heavy, yo, heavy.